Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Galilée, le père de la science moderne. Moi, Galilée, dans la 70e année de mon âge, à genoux devant vos éminences, ayant sous les yeux les saintes écritures que je touche de mes propres mains, j'abjure, je maudis et je déteste l'erreur et l'hérésie du mouvement de la terre. Et pourtant, elle tourne. Le comédien Guy Hoffman, interprétant le rôle de Galilée à l'émission Le roman de la science en 1957, « Et pourtant, elle tourne », la légende veut que Galilée ait prononcé cette phrase en parlant de la Terre à la fin de l'aveu que ses inquisiteurs l'ont obligé à faire lors de son procès pour hérésie en 1633. L'idée est belle, romantique même, cette idée de droiture, du triomphe, de la vérité, mais en réalité, il est à peu près impossible que Galilée ait prononcé ces quelques mots à la fin de son aveu. Cela lui aurait coûté tout simplement la vie. L'histoire de Galilée est celle de l'un des esprits scientifiques les plus brillants de son temps, mais c'est aussi l'histoire d'un temps où l'enseignement de la science était à la merci des croyances de l'Église. On peut tirer de l'affaire Galilée un enseignement qui reste d'actualité. 31 octobre 1992, une date à retenir. C'est en effet après 359 ans, 4 mois et 9 jours que Galilée redevient un fils légitime de l'Église catholique. Le Vatican a effacé aujourd'hui la condamnation historique qu'elle infligea à l'astronome originaire de Pise pour avoir soutenu une théorie qui apparaissait révolutionnaire à l'époque, puisqu'elle minait la base même de la tradition catholique. Ce n'est pas la Terre qui se trouve au centre de l'univers, ce sont les planètes qui tournent autour du Soleil. Cette théorie, élaborée par Copernic, pouvait difficilement être acceptée par l'Église, d'où la condamnation. Aujourd'hui, Galilée a été officiellement réhabilité de façon solennelle, officielle et définitive, avec une cérémonie présidée par le pape. Il faut en finir avec les tragiques incompréhensions réciproques entre la foi et la science, a notamment affirmé Jean-Paul II. Plus jamais de cas Galilée, une erreur de jugement qui amena l'Église à une mesure disciplinaire pour l'astronome. Que ces douloureux malentendus appartiennent désormais au passé. Salvatore Aloïse, à Rome, pour Radio-Canada. C'est donc le 31 octobre 1992 que le pape Jean-Paul II a finalement réhabilité la figure de Galilée pour nous parler de celui qu'on surnomme souvent le père de la science moderne. Je reçois l'astronome et vulgarisateur scientifique Pierre Chastenet, qui a animé de nombreuses émissions scientifiques à la télé, qui est professeur au département didactique de l'Université du Québec à Montréal. Pierre Chastenet, bonjour. Bonjour. Quelle importance il a, Galilée, dans l'histoire de la science et pourquoi on dit très souvent que c'est le, on l'appelle le père de la science moderne? En fait, il faut comprendre qu'à l'époque où Galilée est né, la science, c'était essentiellement l'interprétation des textes des anciens. Donc, on lisait Aristote, on lisait Platon, on lisait tous les philosophes qui étaient venus après eux et on essayait d'interpréter la nature à travers leurs enseignements. Galilée est probablement le premier qui s'est dit, bien, plutôt que d'interroger Aristote, qui a vécu il y a 2000 ans et qui avait les moyens de son époque, bien, interrogeons la nature pour savoir comment elle fonctionne et essayons de voir s'il n'y a pas des systématicités, des récurrences, des invariants qui nous permettrait de décrire de manière précise comment la nature fonctionne. Il a aussi fait appel au langage mathématique, ce qui était nouveau pour la philosophie de son époque. On séparait la philosophie et les mathématiques comme deux sphères d'activité, mais complètement imperméables l'une à l'autre. Et Galilée a dit une chose très, très belle. Je paraphrase, il a dit « La nature est comme un livre ouvert devant nous et ce livre, il est écrit dans un langage mathématique. » Et donc, il a utilisé les mathématiques pour essayer de comprendre comment fonctionnait la nature. Il l'a mis à profit, par exemple, dans le développement de la théorie du pendule, de la chute des corps. Ouais. Et c'est de cette manière-là qu'on peut dire que Galilée... Un observateur, d'abord et avant tout. Un observateur, un expérimentateur et quelqu'un qui cherchait à traduire ses observations et ses découvertes en langage mathématique. Ouais. Parlons un petit peu de ses origines, de ses années de jeunesse, parce que c'est intéressant, ça nous en dit toujours un petit peu sur le personnage auquel on s'attaque. Il est né à Pise en 1564, Galilée, aîné d'une famille de 7 enfants. Quel genre d'enfance il va avoir? Heureuse, d'après ce qu'on en sait. Évidemment, on ne savait pas encore qu'il allait être célèbre à l'époque, alors on n'a pas nécessairement pris de notes. Son père était musicien, Vincenzo Galilei. C'est un théoricien de la musique. Il a inventé la forme musicale qu'on appelle aujourd'hui l'opéra. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'important dans l'histoire de la musique. Et c'est aussi quelqu'un qui essayait, lui aussi, de comprendre quelle était l'origine des harmonies musicales et ainsi de suite. Et on raconte que lorsque Galilée avait 10 ans, il a assisté son père dans une série d'expériences qui consistaient à accrocher des cordes de luth avec des poids de différentes masses pour voir comment la tension sur les cordes se traduisait en termes d'harmonique. Et il a réussi à traduire ça en une espèce de théorie mathématique des harmonies. Il est probable que cette expérience-là a beaucoup influencé le jeune Galilée, puis il l'a mis sur la piste de cette exploration mathématico-physique du fonctionnement de la nature autour de lui. Donc, une démarche scientifique que lui transmet déjà à ce jeune âge, là, à peu près 10 ans, que lui transmet son père. À l'âge de 19 ans, il commence à se mettre à réfléchir à ce qui va devenir sa loi mathématique des pendules. Racontez-nous cette histoire-là, parce qu'il y a toujours un lien entre, vous le disiez, entre la nature, entre la vie et les travaux de Galilée. C'est dans une église qu'il commence. Le déclic se fait dans une église. Voilà, c'est dans la cathédrale de Pise. Il assistait à l'office et puis peut-être que le sermon était particulièrement ennuyeux parce qu'il s'est mis à regarder le chandelier qui était accroché au plafond de la cathédrale et qui balançait peut-être sous l'effet du vent où on l'avait poussé lorsqu'on a allumé les chandelles. Et là, avec son pouls, qui était dans le fond une mesure de l'écoulement du temps, il s'est mis à observer le pendule, à mesurer sa fréquence, sa période, et il s'est rendu compte que peu importe à quelle vitesse le pendule oscillait, quelle était l'amplitude du pendule, la fréquence ou la période était toujours la même. Et ça l'a mis sur la piste de l'étude de ce phénomène physique qu'on appelle le pendule. Et il en a découlé une théorie mathématique et une loi mathématique qu'on utilise encore aujourd'hui. Et une des découvertes très importantes que Galilée a fait par rapport à cette observation du pendule, c'est que, contrairement à ce qu'Aristote prétendait et tous les physiciens de l'époque de Galilée, la période du pendule ne dépendait pas de sa masse. Oui. Elle ne dépendait que de la longueur de la corde. Et ça, c'était complètement en contradiction avec ce que Aristote et les physiciens de son époque prétendaient. Donc déjà là, par cette observation, Galilée est arrivé à démontrer que ce que l'on croyait être la vérité scientifique ne l'était peut-être pas. Oui. Et ça en a fait peut-être le rebelle qu'il est devenu par la suite. Parce qu'il s'attaquera à ses anciens et à ses textes de manière assez importante. Oui. Voilà. À la mort de son père, en 1591, il devient seul soutien de famille, Galilée. C'est intéressant parce qu'il est donc, il doit aller vivre à Padoue. Il a passé 18 ans de sa vie à Padoue. Et cette période-là nous permet de mieux comprendre le personnage qu'a été Galilée. Parlez-nous un petit peu du Galilée de cette époque de Padoue. Bien, vous l'avez mentionné, à la mort de son père, il est devenu soutien de famille. Sa mère était encore vivante. Il avait 6 frères et sœurs plus jeunes que lui et il devait les faire vivre. Donc, ça a mis une pression assez importante sur lui pour qu'il se trouve un emploi. Et ce qu'il a fini par décrocher, c'est un poste de professeur à l'Université de Padoue, qui était donc en banlieue de Venise, qui faisait partie de la République de Venise à cette époque-là. Et donc, il y a passé 18 ans de sa vie. Et ça a été 18 années extrêmement productives sur le plan scientifique. D'une part, parce que Galilée était un jeune scientifique, il avait plein d'idées, il avait plein de projets. Puis d'autre part, il faut savoir que la République de Venise, étant indépendante de Rome, il y régnait une certaine liberté intellectuelle qu'on ne trouvait pas dans des régions qui étaient sous la férule de Rome et de l'Inquisition. Donc, ça a été une période où Galilée a, entre autres, étudié la chute des corps. Il y a cette légende qui court que Galilée aurait laissé tomber des boulets de canon depuis la tour de Pise. C'est peu probable que ça se soit vraiment passé comme ça. Et en fait, ce que Galilée a fait pour ralentir le mouvement de la chute des corps, pour mieux les observer, c'est qu'il faisait rouler des billes sur des plans inclinés. Donc, des plans qui étaient inclinés à 30 degrés, 45 degrés, et ainsi de suite. Et en prenant des mesures avec des horloges à eau ou en installant des clochettes à intervalles plus ou moins réguliers pour voir de quelle manière les billes accéléraient le long du plan incliné, il en est arrivé à la conclusion que l'accélération des objets en chute libre ne dépendait pas de leur masse. Et ça, c'est assez extraordinaire d'avoir fait cette réalisation-là de manière expérimentale et très rigoureuse, parce qu'encore une fois, si on se fie à ce que Aristote et les autres écrivaient, un objet plus lourd tombe plus rapidement qu'un objet plus léger. Il y a un lien direct, d'ailleurs, entre la théorie du pendule dont vous nous parliez et ça, absolument, la masse de l'objet. Tout à fait. Ça fait partie de la même physique que Galilée est en train d'explorer et de découvrir petit à petit. Donc ça, ce sont des observations et des mesures qu'il a faites durant son séjour à Padoue. Et sa vie personnelle dans cette période-là, Elle est intéressante aussi. Elle est très intéressante. En fait, Galilée était à côté, on dirait ça comme ça aujourd'hui. Il était à côté avec une femme avec qui il a eu 3 enfants, Madame Gamba. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin de cette période où il était professeur à Padoue, avant de rentrer à Florence avec toute sa famille, ils ont fait donc 3 enfants. Et lorsqu'ils se sont séparés, Madame et lui, c'est lui qui s'est occupé des enfants. Il est parti avec ses 2 filles et son fils. Ce qui n'a pas été très fréquent à l'époque. J'imagine J'imagine que non, mais encore une fois, il y avait probablement des circonstances. Galilée aimait beaucoup cette femme. Je pense qu'il s'en est séparé, pas nécessairement parce qu'il y avait une peine d'amour, mais peut-être pour d'autres raisons qu'on ignore. Et donc, il voulait peut-être lui épargner la pauvreté d'être une femme seule à élever des enfants. Ouais. 1609, c'est une date importante. C'est à ce moment-là que Galilée met au point sa fameuse lunette, son télescope, un instrument qui va vraiment changer sa vie. On écoute l'historien des sciences, René Tatton, en parler à l'émission Aujourd'hui, en 1964. Galilée n'a pas inventé le télescope. Il a eu l'idée de tourner la lunette astronomique vers le ciel. La lunette existait avant lui, mais on ne s'en servait que depuis quelques années, que pour regarder au loin. Personne n'avait eu l'idée de la tourner vers le ciel. Et d'autre part, Galilée en a réalisé une beaucoup plus puissante que celle qu'avaient réalisée ses devanciers. Et en tournant sa lunette vers le ciel, il a découvert des tas de choses que personne n'avait vues. Il a découvert que certaines planètes, la planète Jupiter, possédait des satellites. Il a découvert qu'il y avait des montagnes sur la Lune. Et surtout, il a découvert que le Soleil, qui était considéré comme un astre incorruptible, avait des taches. Regardez vous-même, mon cher Sagredo. Regardez la Lune à travers ma lunette. N'y voyez-vous point des montagnes et des collines comme il s'en trouve sur la Terre? Pourtant, notre maître Aristote prétendait que la Lune, étant un corps céleste, devait se présenter sous la forme d'une sphère parfaite. Êtes-vous sûr qu'il n'y ait pas quelques défauts dans votre lunette qui fasse qu'on y voit des choses qui ne sont point telles en réalité? C'est une réponse qu'on m'a souvent faite, en particulier lorsque j'ai montré les taches qui se rencontrent à la surface du Soleil. Je pense bien qu'il soit quelquefois difficile de voir autre chose que ce qu'on a toujours cru qui existait, mais enfin, ce verre parfaitement transparent ne saurait abuser nos sens. Guy Hoffmann dans le rôle de Galilée, Guy Ferron dans celui de Sagredo à l'émission Le roman de la science en 1957. Dans quel contexte, Pierre Chastenay, Galilée se met-il au point son fameux télescope et quelle importance? Ça va être vraiment très important pour lui. De quelle manière ça va changer sa vie? Ça a été bouleversant, je pense, en ce qui le concerne. Bon, d'abord, le télescope a été inventé en Hollande par un certain Hans Lippershey. Galilée en a entendu parler et avant même de mettre la main sur un instrument construit, il en avait déjà fabriqué un. N'oubliez pas qu'à Venise, il était près de Murano et ses polisseurs de verre, donc il avait accès à de très, très bonnes lentilles. Et très rapidement, il a construit une lunette qui était de bien meilleure qualité que ce qui circulait jusque-là autour de lui. Et donc, comme l'historien le dit dans votre extrait, il a rapidement tourné sa lunette vers le ciel. Oui. Et là, il a fait toutes les découvertes dont on parle et qui, encore aujourd'hui, sont extraordinaires. Une de ces découvertes-là dont on n'a pas parlé, c'est les phases de Vénus. Parce qu'en observant Vénus, Galilée s'est rendu compte qu'elle montrait des phases comme notre Lune, ce qui était strictement impossible dans un système géocentrique où la planète Vénus aurait, par exemple, tourné autour de la Terre. Déjà, là, il y avait une brèche majeure dans le système géocentrique de Ptolémée et d'Aristote. Et n'oubliez pas que les idées aussi de Copernic, l'héliocentrisme, circulaient déjà à cette époque-là. Et donc, Galilée a fait 1 plus 1 égale 2. Tout ce que je vois à travers mes lunettes me convainc que la Terre n'est pas le centre du monde, mais c'est bel et bien le Soleil. Et la Terre tourne autour du Soleil comme les autres planètes. Plus il avance, plus il observe, plus il se dit que Copernic avait raison. Exactement. Ouais. Exactement. Comment ça va être? Bon, on l'entend dans l'extrait. Il y a déjà sur ce qu'il voit, sur son appareil, sur sa lunette, sur son télescope, un certain scepticisme là, de son collègue Sagredo. Comment sont reçues ces idées, ces observations au début? Ben, c'est clair qu'au début, on soupçonne des illusions d'optique. Et donc, on se dit que c'est la lunette qui brouille notre regard et nous fait voir des choses qui n'existent pas. Mais assez rapidement, lorsque Galilée montre des scènes terrestres, par exemple, à travers son télescope, je ne sais pas, moi, la plaque sur le fronton d'un édifice situé à 500 mètres, qu'on est capable de lire à travers les lunettes, mais non pas à l'œil nu, bien, les gens sont obligés de se rendre compte que ce que l'on voit, c'est la réalité, mais augmentée, agrandie, et ainsi de suite. Il faut aussi voir que dès 1611, donc Galilée fait ses premières observations en 1609. En 1610, il rentre à Florence avec un poste de professeur à l'Université de Pise, mathématicien de la cour du Grand-Duc de Florence. Et en 1611, il est invité à Rome. J'allais dire convoqué, mais cette fois-ci, c'était une invitation. Il était accueilli en triomphateur. Et tout le monde voulait regarder à travers sa lunette. Et les princes de l'Église, les cardinaux, même le futur pape Maffeo Barberini, le futur pape Urbain VIII, a regardé à travers sa lunette en 1611 et était convaincu que ce qu'il voyait était la réalité. Le pas que Galilée a franchi, que d'autres n'ont pas osé franchir, c'est de partir de ces observations-là et d'en conclure que le système héliocentrique de Copernic était une représentation réelle du monde. Ce qui est un tabou. pour l'Église catholique, mais plus largement... Un tabou absolu. Ouais. Un tabou absolu. D'une part, on ne peut pas comprendre que si la Terre tourne autour du Soleil et qu'elle tourne sur elle-même, on ne ressente pas ce mouvement-là. Ouais. Comment se fait-il que si la Terre tourne sur elle-même et que je lance une pomme dans les airs, elle ne retombe pas loin à l'ouest, par exemple? Galilée a des réponses à ces objections-là, mais elles ne convainquent pas. D'autre part, Galilée, malgré toutes ses observations, malgré la puissance de son intellect et de ses arguments, il n'a pas d'argument absolument convaincant pour démontrer que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. C'est pas preuves... en faire la preuve. Voilà, ces preuves-là, elles vont arriver beaucoup plus tard avec le développement de meilleurs télescopes, avec des expériences physiques qui vont être faites au 18e, au 19e siècle. Mais à l'époque de Galilée, il n'a aucune preuve absolument irréfutable de ce qu'il prétend. Donc, ce que l'Église lui propose, et ça, c'est ce qui va se passer en 1616, lorsqu'il va être convoqué à Rome, parce que là, les choses commencent à prendre beaucoup d'ampleur autour de ce débat entre le géocentrisme et l'héliocentrisme. En 1616, il va être convoqué à Rome et on va lui demander, sous peine d'excommunication et de toutes les autres douleurs qu'il pourrait ressentir, on va lui demander de continuer à parler du système de Copernic, mais comme d'une hypothèse parmi d'autres. Et donc, on va lui dire, tu peux continuer à observer, tu peux continuer à enseigner, tu peux continuer à écrire des livres sur ces sujets-là, mais à la condition expresse que tu présentes toujours le système héliocentrique comme une hypothèse mathématique qui permet de faciliter les calculs, qui permet de manière commode de faire des prédictions sur la position future des planètes, mais tu ne dois jamais prétendre qu'il s'agit de la réalité. Ce qui fait qu'il va se passer à quoi? À peu près 20 ans entre le moment où on sait que Galilée appuie, en fait, soutient et essaie de développer les thèses de Copernic et le moment où il va se retrouver cité à procès en 1633. En fait, le déclencheur, c'est la publication en 1632 de son ouvrage « Dialogue sur les deux grands systèmes du monde ». Pourquoi ce livre-là va le conduire à sa perte, entre guillemets? Bien, en fait, ce livre-là, c'est une commande du pape. En 1623, le cardinal Barberini devient le pape Urbain VIII et donc il invite Galilée à se rendre à Rome pour le rencontrer parce qu'il s'intéresse beaucoup à ses travaux. Il considère que c'est un ami, donc il a une très grande confiance dans Galilée. Et il lui demande, il lui passe la commande express d'écrire un livre dans lequel on présenterait sur un pied d'égalité, de manière neutre et impartiale, les deux grands systèmes du monde. Donc, le système géocentrique et le système héliocentrique. Et Galilée est absolument ravi de cette commande-là parce que ça fait longtemps, lui, qu'il veut justement présenter les pour et les contre de ces deux systèmes-là. Donc, après cette rencontre avec le pape, après cette commande qui vient directement du pape, Galilée rentre dans ses terres à Florence et il se met à écrire. Et ça lui prend du temps parce que c'est compliqué de trouver les pour et les contre, de mettre ça sur un pied d'égalité. Il en fait un dialogue, vous l'avez noté, qui met en scène trois personnages. Il y a Salviati, qui représente Galilée, c'est le défenseur de l'héliocentrisme. Il y a Simplicio, qui défend les idées aristotéliciennes et le géocentrisme. Et il y a un troisième personnage qui s'appelle Sagredo. C'est le nom d'un ami de Galilée qui, lui, joue le rôle du personnage qui écoute les arguments des uns et des autres et qui pose des questions, et ainsi de suite. Alors, lorsque le livre paraît enfin, avec un imprimatur de l'Église, ça, c'est en 1632, bien là, c'est la catastrophe. Parce que lorsque le livre est publié et qu'il arrive entre les mains du pape, le pape lit ça et il est absolument catastrophé. Parce que dans son livre, Galilée, contrairement à ce qui lui avait été demandé, met clairement en évidence les bons coups du système de Copernic et de l'héliocentrisme. C'est un plaidoyer, au fond. Et met vraiment à mal la théorie du géocentrisme qui est défendue par Simplicio. Bon, Simplicio, en italien, semplice, simple d'esprit, on voit qu'il y a une certaine ironie là. Ouais. Et ce qui est encore pire pour Galilée, c'est que le pape Urbain VIII reconnaît dans la bouche de Simplicio certains des arguments qu'il a lui-même tenus lorsqu'il discutait avec Galilée. Donc, Urbain VIII est dans une fureur folle. Il sent que son autorité est menacée par ce livre qu'il tourne en ridicule. Donc, il envoie le cas Galilée à l'Inquisition en disant « Occupez-vous de lui. Moi, je ne veux plus rien savoir de ce type et il faut le mettre au pas. Sinon, c'est toute l'autorité de l'Église qui risque d'en être affectée. » Et ça ne prendra pas beaucoup de temps que Galilée va se retrouver effectivement en procès. C'est en 1633 qu'il est cité à procès. Le défendeur, sait-il ou soupçonne-t-il les raisons de sa comparution? Je suppose que c'est sur le propos de mon ancien livre. Vous souvenez-vous des événements qui se sont déroulés en 1616? Il y a 15 ans de cela. Mais je me souviens être venu à Rome de mon plein gré afin de m'enquérir sur l'opinion qu'il fallait avoir au sujet de l'hypothèse de Copernic pour rester en accord avec la Sainte Église catholique. Galilée s'exprime avec la plus grande prudence, car on lui a conseillé de peser ses mots et de rester soumis. Comment et par qui la décision de la Sainte Congrégation de l'Index touchant le système de Copernic vous a-t-elle été communiquée? Elle m'a été communiquée par le révérendissime cardinal Bellarmine. Il m'a déclaré que l'opinion de Copernic ne devait pas être tenue, mais qu'on pouvait la discuter en la prenant de façon hypothétique. Le commandement qui vous a été donné devant témoin contenait ceci. Vous ne devez pas soutenir, enseigner ou défendre cette doctrine, ni même la discuter de quelque façon que ce soit. Je ne me souviens pas de cela. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des témoins ni qu'on m'ait empêché de discuter le système de Copernic en le considérant comme une hypothèse. Je ne comprends pas où on veut en venir. Les comédiens Guy Hoffmann et Henri Norbert, dans une reconstitution du procès de Galilée, présentaient l'émission Le roman de la science en 1957. Le procès de Galilée, Pierre Chastenet, s'ouvre en février 1633, procès pour hérésie. Il se termine en juin de la même année, donc c'est un assez long procès. Comment ça va se dérouler? On en a une petite idée, là. Comment ça va se dérouler, ce procès-là? C'est une série d'interrogatoires qui durent plusieurs heures à chaque fois, mais qui sont entrecoupées de longues périodes, parce que Galilée est un homme vieux, il a 70 ans au moment de son procès, il est très malade, et donc il supporte mal la tension et la pression que l'on fait sur lui. Donc, eu égard à son âge et à son prestige quand même, on étire le procès pour lui permettre de récupérer entre chaque période d'interrogatoire. Mais les dés sont pipés dès le départ. Ce qu'on veut essentiellement, c'est que Galilée reconnaisse qu'il a outrepassé les limites de ce qu'on lui avait imposé et qu'il fallait donc qu'il se rétracte s'il voulait garder la vie sauve. Et c'est essentiellement ce qu'il a fait, non pas pour devenir un martyr de la science, parce que je pense qu'à son âge et dans l'état physique où il était, il ne voulait pas souffrir davantage. Ouais. Il avait déjà suffisamment souffert. Ouais. Et puis sans doute, disait-il aussi que ses idées allaient triompher de toute manière, parce qu'éventuellement, les gens allaient comprendre de quoi il parlait. Ma question double pour terminer l'émission. Qu'est-ce que lui-même va devenir après son procès et que vont devenir ses idées? Alors, Galilée va être assigné à résidence, d'abord à Sienne et puis ensuite dans sa résidence d'Arcetri, qui est en banlieue de Florence, et il va y vivre les dernières années de sa vie. À partir de 1637-38, il devient aveugle, donc ce sont ses assistants qui l'assistent. Il écrit encore, malgré que ça lui a été interdit. Il reçoit encore des visiteurs étrangers, des savants, malgré que ça aussi, ça lui a été interdit. Et puis, à la fin de sa vie, il va publier un dernier livre, qui est le Discours sur deux nouvelles sciences, où il va rassembler en une somme toutes ses explorations du mouvement de la chute des corps, le principe d'inertie. Et essentiellement, ce livre-là, qui va être diffusé partout en Europe, sauf en Italie, publié en Hollande, va avoir un succès retentissant. Et on voit là les bases de ce qui va devenir éventuellement la théorie de la gravitation universelle de Newton et puis toute la physique moderne qui en a suivi. Pierre Chastenet, c'était fascinant. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pierre Chastenet, astronome, vulgarisateur scientifique, animateur de nombreuses émissions à Télé-Québec pendant de nombreuses années, professeur également au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.